Maman, un gros devoir. On va commencer tranquillement avec le magnifique micro. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Merci d'être là. C'est sûr qu'il va y avoir. On s'essaye, c'est la première fois qu'on fait une conférence ici dans le passage, mais on veut montrer à tout le monde qu'il y a quelque chose qui se passe cette semaine. Comme vous le savez, hein, c'est la semaine de lutte contre l'austérité. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes au courant, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore qu'est-ce que ça veut dire l'austérité et quels sont ses impacts concrets dans nos vies. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler des impacts concrets de l'austérité dans la santé, dans l'éducation, dans les CPE, l'impact particulièrement sur les femmes parce qu'elles vont être affectées. Et nous avons donc des gens qui viennent de plusieurs milieux différents. Vous avez des professeurs que vous reconnaissez peut-être. On a une étudiante aussi. Et puis une infirmière du centre Croisette ainsi que Montréal-Nord qui vient nous parler de ce qui se passe dans la santé. Donc, voilà le projet d'aujourd'hui. Ça va être des interventions courtes parce que l'idée, c'est vraiment de se dire concrètement qu'est-ce qui se passe. Et comme il y a beaucoup de sujets à traiter, on y va avec ça. Puis après, l'objectif, c'est de faire une période de questions ouvertes dans la salle. Je ne veux juste rien oublier avant de commencer. Je voulais vous dire, d'une part, on va en reparler, mais on est dans la semaine de lutte contre l'austérité au Cégep, mais c'est vrai aussi à Montréal et partout au Québec. Aujourd'hui, il y avait par exemple une manifestation à la Tour de la Bourse pour demander, par exemple, que la lutte contre l'austérité, si on est vraiment inquiète pour notre dette, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher de l'argent du côté des banques? Donc, il y a plein d'actions, il y a plein d'activités, et demain, ici, il y aura une manifestation locale qui va se produire à partir de midi. Et la direction vient de nous confirmer sa présence à 13h30, donc elle sera là pour répondre à nos questions, comment ils se positionnent, eux, par rapport à l'austérité et par rapport à l'ego. Donc, on est content qu'ils aient dit oui, ça sera ici demain à 13h30. Par ailleurs, il y a une caméra qui filme des petits bouts d'intervention. Si vous êtes mal à l'aise avec la caméra, il faudra juste le dire ou vous détourner dès qu'elle filme de votre côté. Mais l'objectif, c'est vraiment la lutte à l'austérité, là. Donc, soyez pas timides, soyez pas gênés. L'objectif, c'est surtout, je pense, de filmer les interventions étudiantes. Alors, voilà. Bon mini-colloque. Et je vous reviens tout à l'heure sur l'impact de l'austérité sur les femmes. Et je cède la parole à Pascal Solignac, prof de philo, qui va nous faire une petite intro. C'est quoi l'austérité?